En Corée, l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang et la filature Kim Jong-suk de Pyongyang remportent des succès dès le premier jour de la nouvelle année. L'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang concentre les efforts à réaliser la nationalisation des matières premières et des matériaux, à activer la production et à améliorer la qualité des produits. Le personnel de l'usine, inspiré de l'amour du parti pour la postérité et le peuple, a dépassé le plan journalier de production des tissus d'uniformes scolaires. Par ailleurs, la filature Kim Jong-suk de Pyongyang a dépassé le plan de production journalière de fils de soins à 150%.